from dust big. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes en forme pour commencer cette nouvelle semaine. Et si vous avez la chance d'être en vacances, eh bien profitez bien de ce beau temps qui va durer. On en parlera tout à l'heure dans la météo. Nous sommes le lundi 30 juillet, nous souhaitons une bonne fête aux Juliettes. Ça vient du latin de la famille romaine de Yule, ouverte et communicative, Juliette a beaucoup de charme et de magnétisme. Sociable, extravertie, elle est mystique. Elle est sympathique, souriante et plaisante. Elle est faite pour s'exprimer, parler, s'amuser. Aussi recherche-t-elle le contact et les échanges, même si ce n'est pas une démarche univoque. En effet, de par les influences contraires du 3 et du 4, elle peut paraître parfois déconcertante. Ainsi passe-t-elle par des phases où, telle la cigale, elle incline vers la facilité, les amusements, les plaisirs et un certain éparpillement. Et des phases où, telle la fourmi, elle affronte les difficultés de la vie et est capable d'efforts, de contraintes, de sérieux et de discipline. Dans le premier cas, elle peut même donner l'impression d'une certaine légèreté, comme si la vie n'était qu'un jeu. Dans le deuxième cas, c'est la fermeté et le sérieux qui domineront. Juliette est une femme concrète, matérialiste, qui ne perd jamais de vue le côté financier des choses. Elle peut faire une bonne femme d'affaires, persuasive et incisive, courageuse et avisée. Dicton du jour à la Sainte Juliette, l'été est en fête. Ou encore, bon fermier à Sainte-Juliette doit vendre ses poulettes. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la dignité des victimes de la traite d'êtres humains. C'est la journée internationale de l'amitié par décision de l'Assemblée Générale de l'ONU le 27 avril 2011. Et au Vanuatu, c'est la fête de l'indépendance. Ça s'est passé un 30 juillet 1729, fondation de la ville de Baltimore, et 1980, indépendance du Vanuatu. Allez, on va tout de suite marquer notre première pause musicale avec le chanteur Paul Anka et son titre « You are my destiny ». For My Destiny, Polanka sur RJM, un peu plus de 8h35. On parle anniversaire. Ils sont nés un 30 juillet 1941, naissance de Polanka, chanteur canadien. 1947, naissance d'Arnold Schwarzenegger, acteur américain, homme politique qui fut gouverneur de l'État de Californie de 2003 à 2011. Vu dans Conan le Barbare et Conan le Destructeur, dans le rôle de Conan dans la saga des Terminator, dans le rôle de Terminator. Vu également dans Un flic à la maternelle, Batman et Robin, ou encore dans Expendables 1, 2 et 3 dans le rôle de Trench Mother. 1948, naissance de Jean Reno, acteur français, vu dans Subway, Le Grand Bleu dans le rôle d'Enzo Molinari, Nikita, l'opération Cornet Beef, Les Visiteurs 2 et Les Visiteurs La Révolution, sorti en 2016 dans le rôle de Godefroy de Montmirail, vu dans Léon dans le rôle de Léon, Le Jaguar, Mission Impossible dans le rôle de Franz Krieger, Godzilla dans le rôle de Philippe Roach, Les Rivières Pourpres 1 et 2 dans le rôle du commissaire Pierre Niemens, Wasabi, L'Enquête Corse, La Panthère Rose 1 et 2 dans le rôle de Potton, Da Vinci Code dans le rôle du commissaire Bézufache, L'Immortel, La Rafle dans le rôle du docteur David Schoenbaum, ou encore Les Seigneurs, et vu dans la série télé Joe au cours de l'année 2013 dans le rôle de Joachim Sinclair. 1958, naissance de Richard Burgi, acteur américain vu dans Washington Police dans le rôle du capitaine Vincent Hunter, 24 heures chrono dans le rôle d'Alan York alias Kevin Carroll, Desperate Housewives dans le rôle de Karl Mayer, Point Pleasant dans le rôle de Ben Kramer, Les Frères Scott dans le rôle de Tate Davis, et vu également dans Blue Bloods ou encore Hawaii 5-0. C'est également l'année de naissance de Kate Bush, auteure, compositrice, interprète britannique, notamment connue pour le titre Withering Heights, dont on écoute tout de suite un extrait. Out on the wide, windy moors, we roll and fall in green. You had a temper like my jealousy, too hot, too greedy. Voilà pour l'extrait de la chanteuse Kate Bush. On va continuer les anniversaires. En 1961, naissance de Laurence Fishburne, acteur américain, vu dans Apocalypse Now, Cotton Club, Othello dans le rôle d'Othello, dans la trilogie Matrix dans le rôle de Morpheus, Mystic River dans le rôle de Whitey Powers, Kiss Kiss Bang Bang, Mission Impossible 3, Contagion, Man of Steel et Batman vs Superman, l'aube de la justice dans le rôle de Perry White, actuellement au cinéma dans Ant-Man et la Guêpe dans le rôle de Bill Foster, vu dans la série Les Experts dans le rôle du docteur Raymond Langston, ainsi que dans les séries Les Experts Miami et Les Experts Manhattan quand les séries se sont croisées, et vu également dans la série télé Hannibal. 1963, naissance de Lisa Kudrow, actrice américaine connue pour son rôle de Phoebe Buffay dans la série télé Friends, vu également dans Cougar Town, dans la saison 3 de Scandal dans le rôle de Joséphine Marcus, au cinéma dans Mafia Blues 1 et 2 dans le rôle de Laura McNamara, dans PS I Love You, ou encore Nos pires voisins 1 et 2 dans le rôle de Carol Gladstone. 1964, naissance de Vivica A. Fox, actrice américaine, vue dans Independence Day ainsi que la suite Independence Day Resurgence dans le rôle de Jasmine Hiller, vue dans Batman et Robin, Kill Bill, la série télé Missing, disparue sans laisser de trace dans le rôle de l'agent du FBI Nicole Scott, et vue également dans la série télé Empire dans le rôle de Candace Holloway. 1969, naissance de Simon Baker, acteur australien, vu au cinéma dans LA Confidential, Le Cercle 2, Le Diable s'habille en Prada dans le rôle de Christian Thompson, Mariage à l'anglaise, vu dans les séries télé Summer Bay, Hartley Cœur à Fif dans le rôle de Thomas Summers, méconnu surtout pour son rôle de Patrick Jane dans la série Mentaliste. 1970, naissance de Christopher Nolan, réalisateur, producteur, scénariste britannique, réalisateur du film Insomnia, réalisateur et scénariste de Batman Begins, réalisateur, scénariste et producteur de The Dark Knight, Inception, The Dark Knight Rises, Interstellar et Dunkerque. Producteur scénariste de Man of Steel, producteur de Batman vs Superman, L'Aube de la Justice ainsi que Justice League. 1971, naissance de Calogero, chanteur français. 1974, naissance d'Hilary Swank, actrice américaine, vue dans Boys Don't Cry dans le rôle de Tina Brandon qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Insomnia, Million Dollar Baby dans le rôle de Maggie Fitzgerald qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice. Le Dahlia Noir, Pace, I Love You, Conviction, Happy New Year, la série télé Beverly Hills dans quelques épisodes hein, dans le rôle de Carly Reynolds. 1979, naissance de Clotilde Hesme, actrice française, vue dans les chansons d'amour, le fils de l'épicier Angèle et Tony dans le rôle d'Angèle qui lui a valu le César du meilleur espoir féminin, vu également dans Chocolat dans le rôle de Marie Eckett, la série télé Les Revenants dans le rôle d'Adèle Weather. 1981, naissance de Lisa Goldstein, actrice américaine connue pour son rôle de Millicent Huxtable dans la série télé Les Frères Scott. 1982, naissance d'Yvonne Strahovski, actrice australienne connue pour son rôle de Sarah Walker dans la série télé Chuck, son rôle d'Anna McKay dans la série Dexter et vue également dans 24 heures chrono. 1988, naissance de Lara Jane Marshall, actrice australienne connue en France pour avoir joué le rôle de Lisa Atwood dans la série télé Grand Galop. 1991, naissance de David Carrera, chanteur franco-portugais. C'est également l'année naissance de Laurie Tillman, animatrice télé qui fut Miss France 2011. 1996, naissance de Jacob Lofland, acteur américain, connu pour son rôle d'Aris dans le labyrinthe La Terre Brûlée et le labyrinthe Le Remède Mortel. En 1683, décédée Marie-Thérèse d'Autriche, reine de France et de Navarre, épouse de Louis XIV. En 1718, décédée William Payne, fondateur de l'État de Pennsylvanie. En 1930, décédée Hans Gamper, homme d'affaires suisse, fondateur du FC Barcelone, le club de foot. En 1992, décédée Joe Shuster, dessinateur de comics d'origine canadienne connu pour avoir été avec Jerry Siegel le co-créateur du personnage de Superman. Et enfin, en 1996, décédée Magda Schneider, actrice allemande, mère de Romy Schneider, vue dans La chanson d'une nuit, Les jeunes années d'une reine, dans le rôle de la baronne Lenzen, et dans la trilogie des Sissi, hein, Sissi, Sissi impératrice et Sissi face à son destin, dans le rôle de la duchesse Ludovica de Bavière. Allez, petite pause musicale avec Calogero et son titre 1987. Sur les baskets, les crayons dans les cassettes, je rembobine, tu te souviens, tous ces rêves pleins nos disquettes, à Paris c'était les States, 1987. Il y a certains jours où je reprends mon skate et je vais faire un tour en 1987. C'était rien que 12 mois sur la planète. L'URSS in excess. On chantait I want your sex. Il y a certains jours où je reprends mes skates et je vais faire un tour en 1987. Tu sais, de tous ces jours, y'a rien que je rêve. la tête, tu l'auras à ton tour, ton 1987. Tu verras bien qu'un jour une chanson dans la tête, tu l'auras à ton tour, ton 1987. C'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce que je te souhaite. Tu l'auras à ton tour, ton 1987. C'est tout ce que je te souhaite. Tu l'auras à ton tour, ton 1987. Calogero sur le 107FM. Il est presque 8h47 et nous, on va faire un point sur la météo. La météo. Et pour pas changer, eh bien, ce sera du soleil pour toute cette semaine, hein, normalement. En tout cas pour aujourd'hui et pour les deux jours à venir. Pour aujourd'hui, des températures comprises entre 18 et 19 degrés ce matin, entre 31 degrés et 33 degrés pour cet après-midi. Pour demain, ce sera entre 18 et 19 degrés le matin, entre 31 et 33 degrés prévus également pour demain après-midi. Et pour mercredi, ce sera entre 20 et 21 degrés le matin et entre 27 et 29 degrés prévus pour mercredi après-midi. Voilà pour la météo. On parle maintenant de l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec le Tour de France qui s'est terminé hier soir avec la fameuse étape et l'arrivée sur les Champs-Élysées. Arrivée au sprint, remportée par Alexander Kristoff. Le premier français, c'est Arnaud Démare qui s'est classé troisième de cette arrivée. Et Jean-Patrick Nazon restera encore une année de plus le dernier français à s'être imposé sur les Champs-Élysées. Ça commence à dater maintenant, hein. C'était il y a 15 ans à peu près. Le maillot jaune donc a terminé sur les épaules de Geraint Thomas. Il devance au classement général Tom Dumoulin et Chris Froome. Le premier français, c'est Romain Bardet, sixième. Le maillot à pois sur les épaules de Julian Alaphilippe. Le maillot vert sur Peter Sagan, qui a terminé huitième d'ailleurs de l'étape sur les Champs-Élysées. Meilleur jeune pour le français Pierre Latour. Et le super combatif de ce Tour de France, c'est Dan Martin. A noter qu'hier, Sylvain Chavanel a annoncé sa retraite pour la fin de cette saison. Un mot de formule avec le Grand Prix de Hongrie qui a été remporté par Hamilton devant Vettel et Raikkonen. Pierre Gasly se classe 6e, Romain Grosjean 10e, Esteban Ocon 13e. Un mot de boxe avec Estelle Mosley qui a remporté son premier combat pro ce week-end. Un mot d'escrime avec l'équipe de France féminine en sabre qui a été sacrée championne du monde. Un mot de football maintenant avec la Ligue 2 qui a recommencé ce week-end. Premier match pour Nancy face à Béziers. Première défaite 2-0. Ce soir, Metz se déplace à Brest. Et enfin, on termine avec du tennis. Plusieurs tournois cette semaine. Et aujourd'hui à Kitzbühel, le français Moutet affrontera Kukushkin. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec David Carrera et son titre Boom. Comme dans un film au ralenti, zoom. La dernière image, toi qui t'enfuis, boum. Tu as dit c'est la vie, t'es parti et boum. Dehors il fait gris, clap de fin puis zoom. Le taxi en bas qui démarre et boum. J'ai le cœur qui bat au ralenti, boum. Dans tes yeux je vois tout est fini, boum. Notre histoire d'amour sous la pluie c'est cool. Ne pas repenser à toi surtout. Sortir faire comme si je tenais le coup. Ton souvenir me poursuit. Tu es dans toute mêlée. Tu m'aideras à ne plus repenser à nous. Tu es parti et c'est trop tard. Tu es parti sans un regard. Tu m'aideras à t'effacer de ma mémoire.